မိဂသုတ္တနာနော်မြတ်စွာဘုရားဤတရားဒေသနာတော်ကိုတာဝုတိပိဇေတဝန်ကြောင်းပေါ့နော်ဇေတဝန်ကြောင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူရင်နော်ဟောတော်မူခဲ့တာပဲ So he is going to talk about Vamika Sutta. Sayadaw nous parlera aujourd'hui du Vamika Sutta, le récit de la fourmilière. C'est le 23e sutta du Majjhima Nikaya, la collection des moyens discours du Bouddha. Ce sermon a été donné par le Bouddha alors qu'il séjournait au monastère de Jetavana de Savatthi. Au nord de Savatthi, il y avait une forêt très dense avec beaucoup d'arbres, une forêt très sombre, qui était appelée le bois des aveugles. Cette forêt ne faisait pas partie du monastère de Jetavana, mais se situait plus au nord. Le vénérable Kassapa le jeune séjournait dans ce bois des aveugles et y pratiquait la méditation. Il y faisait très calme et le lieu convenait pour la méditation. Un matin, un dieu d'une merveilleuse beauté illumina tout le bois des aveugles dans la splendeur de la nuit finissante. Dans un passé très lointain, ce Brahma avait été un des compagnons moines du vénérable Kassapa et ils pratiquaient la méditation ensemble. Le Brahma soumit alors 15 énigmes au vénérable Kassapa. Rayonnant sa lumière dans tout le bois des aveugles, le Brahma s'approcha du vénérable Kassapa et lui dit donc: Moine, moine, la fourmilière fume la nuit et flambe le jour. La fourmilière dont il parlait était une très grande fourmilière et à l'intérieur, il y avait toutes sortes d'insectes. Le brahmane commença donc par énoncer les trois premières énigmes. Il y a une grande fourmilière, elle fume la nuit et elle flambe le jour. C'étaient là les trois premières énigmes. Le professeur dit alors à son élève le plus avancé, appelé sage, creuse avec le poignard, sage. Le bon élève devait donc trouver un poignard et s'en servir pour creuser la fourmilière. C'était là la quatrième énigme, creuser la fourmilière. Lorsque l'élève particulièrement doué se mit à creuser la fourmilière avec son poignard, il trouva une barre de porte. Cette barre de porte était un bâton de bois qui servait à fermer la porte. Le professeur dit alors à son élève de jeter cette barre et de continuer à creuser. Donc, jusqu'à présent, il y avait huit énigmes. La première, c'était la fourmilière. La deuxième, le fait qu'elle fumait la nuit. La troisième, le fait qu'elle émettait des flammes la journée. La présence d'un professeur qui était un brahmane était l'énigme suivante. Son élève particulièrement doué était la cinquième énigme. Le poignard était la sixième. Le fait de creuser la fourmilière avec le poignard, la septième. et la barre en bois était la huitième. Le professeur avait donc demandé à son élève d'enlever cette barre de bois et de continuer à creuser. Le bon élève continua donc à creuser et il aperçut un crapaud enflé. Lorsque l'élève expliqua au professeur qu'il avait trouvé un crapaud qui gonflait au fur et à mesure qu'il le touchait, le brahmane, le professeur, lui dit « Retire le crapaud enflé, sage, en creusant avec le poignard. » L'élève retira donc le crapaud enflé et continua à creuser la fourmilière. Il tomba alors sur une bifurcation. Il continua à creuser et trouva alors un linge à filtrer. Il retira le linge à filtrer, comme son professeur le lui avait demandé, continua à creuser et aperçut une tortue. Comme son maître le lui avait demandé, l'élève retira la tortue, continua à creuser et trouva alors un billot. L'élève fit comme le maître le lui avait demandé. Il écarta le billot, continua à creuser et trouva alors un morceau de viande. L'élève retira le morceau de viande, continua à creuser la fourmilière et trouva un dragon. Le dragon était donc la dernière énigme. Lorsque l'élève eut expliqué à son maître qu'il avait trouvé un dragon, le maître lui dit « Laisse le dragon, ne frappe pas le dragon, respecte le dragon. » Tous ces objets que l'élève avait trouvés au moment où il creusait la fourmilière étaient donc les 15 énigmes que le Brahma avait présentées au vénérable Kassapa. Le Brahma expliqua alors au vénérable Kassapa que seules 3 personnes étaient en mesure d'expliquer ces énigmes. Quelles sont ces 3 personnes? La première de ces personnes, c'est le Bouddha lui-même, l'illuminé. La deuxième personne, ce sont les disciples du Bouddha. Et la troisième personne, c'est moi-même, dit le Brahma. Seules ces 3 personnes étaient en mesure de résoudre ces énigmes. Comme personne n'était en mesure d'expliquer ces énigmes, le Brahma proposa au vénérable Kassapa de se rendre chez le Bouddha pour qu'il les lui explique. Le Brahma disparut instantanément et retourna dans sa résidence. Sayadaw va maintenant expliquer quelle était la connexion entre le Brahma et le vénérable Kassapa et la raison pour laquelle il s'était rendu chez le vénérable Kassapa pour lui présenter ses énigmes. Ces 2 personnes s'étaient en fait déjà rencontrées dans le passé. Ils vivaient à l'époque d'un autre Bouddha et pratiquaient la méditation ensemble en tant que moines. Du temps du Bouddha Kassapa, un autre Bouddha que le nôtre, le Bouddha Gautama, du temps donc du Bouddha Kassapa, 7 amis moines avaient décidé de pratiquer intensivement la méditation. Après avoir longuement discuté, il s'était dit qu'il est très difficile de se trouver dans une ère de Bouddha, une ère où les enseignements d'un Bouddha peuvent être entendus. Or, à l'époque, il se faisait que le sasana du Bouddha était en danger, étant donné que les moines ne respectaient pas très sérieusement les règles. Ils craignaient que le précieux enseignement du Bouddha Kassapa se perdrait. Ce groupe de 7 moines décida alors de pratiquer intensivement la méditation et de réaliser le précieux Dhamma. Ils avaient l'intention de réaliser le Dhamma alors qu'ils se trouvaient dans cette époque du Bouddha Kassapa. Ils se retirèrent donc dans un endroit isolé pour pratiquer. Ils avaient choisi une montagne escarpée, isolée, et avaient emmené avec eux les 8 articles de première nécessité que les moines étaient autorisés à posséder. Il s'agissait notamment des robes et du bol à aumône. Ils s'en allèrent donc et commencèrent par gravir la montagne. Cette montagne était très escarpée. Ils gravirent péniblement une partie de la falaise et durent utiliser pour cela une échelle. Arrivés à ce premier point, ils s'arrêtèrent et se consultèrent mutuellement pour voir s'il y avait parmi eux quelqu'un qui souhaitait abandonner. Comme personne, aucun de ces moines n'avait l'intention d'abandonner, ils décidèrent donc de rester là et se débarrassèrent de l'échelle pour éviter les tentations. Ils avaient la ferme intention de pratiquer de façon énergique au péril même de leur vie. S'étant débarrassés de leur échelle, il était devenu impossible pour eux d'abandonner. Ils ne pouvaient plus compter que sur le Dhamma. Donc la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de pratiquer très sérieusement. Ils pratiquaient donc ardemment, démunis de tout, ils n'avaient emmené ni nourriture ni boisson et étaient en danger. Ils pratiquaient donc de façon très diligente, prenaient conscience du danger dans lequel ils se trouvaient et pratiquaient ainsi la contemplation de la mort. Ils pratiquaient de façon très énergique, à tel point que le plus âgé d'entre eux atteignit l'état d'arhat la nuit même. Il avait atteint l'état d'arhat, mais pas n'importe quel état d'arhat. Il avait également réalisé les pouvoirs psychiques les plus élevés. Le lendemain matin, étant équipé dorénavant des pouvoirs psychiques, il put aller quêter sa nourriture et revenir pour l'offrir à ses compagnons moines. Il était en effet devenu capable de se déplacer en volant. Mais les 6 autres moines, ses compagnons, refusèrent d'accepter la nourriture qui leur était offerte, car ils pensaient que cela allait diminuer leur effort, que leur pratique serait moins intensive. Ils poursuivirent donc leur méditation sans prendre de nourriture. Le jour suivant, le 2e moine plus âgé du groupe atteignit l'état d'anagami, celui qui ne revient plus. Il avait lui aussi réalisé les pouvoirs psychiques et pouvait donc se déplacer en volant. À son tour, il alla quêter sa nourriture et revint pour l'offrir à ses 5 compagnons, qui de nouveau refusèrent. Ces 5 moines, ayant refusé de prendre la nourriture et les boissons qu'avaient amenées leurs compagnons, poursuivirent leur méditation, mais devinrent de plus en plus faibles. Ayant réalisé que leurs compagnons n'accepteraient pas la nourriture qui leur était offerte, les 2 moines plus âgés décidèrent de quitter le groupe et de se rendre dans un autre endroit pour pratiquer. Ils laissèrent donc les 5 moines tout seuls. Les 5 moines poursuivirent leur effort, mais comme ils n'avaient pas des paramis suffisamment développés pour réaliser le noble Dhamma, ils moururent très vite d'épuisement. Ils moururent donc, n'ayant pas atteint le noble Dhamma. Mais ils avaient une moralité tout à fait intacte. Ils avaient en plus la concentration et la sagesse dans une certaine mesure. Au moment où ils moururent, ils n'étaient donc pas tout à fait démunis. Grâce à leur pratique intensive et leur effort, ils moururent noblement et purent bénéficier de beaucoup d'avantages. Tout au long de leurs existences futures, ils allaient reprendre naissance dans les plans célestes jusqu'à l'époque du Bouddha Gautama. Quant au moine le plus âgé, celui qui avait atteint l'état d'arhat, il avait atteint le parinibbana à la fin de sa vie, à l'époque du Bouddha Kassapa. Quant au deuxième moine qui avait atteint l'état d'anagami, il reprit naissance en tant que Brahma et est encore toujours actuellement dans la terre pure, un plan d'existence réservé aux anagamis et aux arhats. Ce Brahma avait vu ses anciens compagnons gravir la montagne et s'y installer pour pratiquer intensivement. Il les observait depuis la terre pure. Il avait l'intention d'intervenir et de les aider en cas de besoin. Mais ces cinq moines qui continuaient leur effort et qui moururent donc n'ayant pas atteint le noble Dhamma, se retrouvaient à présent dans les plans célestes. Il lui était donc impossible de leur venir en aide. Mais à l'époque du Bouddha Gautama, ces cinq moines avaient repris naissance dans le plan humain. Ils avaient repris naissance dans ce plan parce que le moment était venu pour eux de vivre leur dernière existence. Ils les observaient donc depuis la terre pure et pendant tout le temps où ils étaient dans les plans de Brahma, ils n'avaient pas besoin d'aide, mais à l'époque du Bouddha Gautama, ils avaient bel et bien repris naissance dans le plan humain. Et là, il pouvait les aider. Un de ces cinq moines avait donc repris naissance en tant qu'humain à l'époque du Bouddha Gautama et était devenu un arhat à l'âge de 7 ans. Et s'il avait pu atteindre l'état d'arhat si rapidement, alors qu'il n'avait que 7 ans, c'était dû à sa méditation et à ses efforts lorsqu'il était moine à l'époque du Bouddha Kassapa et qu'il avait pratiqué intensivement sur la montagne. Un autre de ces cinq moines devint lui un roi et régnait sur un pays au nord-ouest de l'Inde. Il pratiquait là les jhanas et anapanasati, l'attention au va-et-vient du souffle. Il respectait le Bouddha, pratiqua la méditation, il avait atteint l'état d'anagami, celui qui ne revient plus, alors qu'il écoutait un enseignement du Bouddha. Il mourut percuté par une vache. Il se fait que cette vache était une ogresse qu'il avait déjà rencontrée dans le passé, qu'il avait agressée et blessée. Elle s'était donc présentée à lui sous forme d'une vache, mais en réalité c'était cette ogresse. Ce moine avait donc atteint l'état d'anagami, celui qui ne revient plus, et est actuellement dans la terre pure. Ces deux moines du groupe des cinq, celui qui avait atteint l'état d'anagami et celui qui était roi, n'avaient donc plus besoin d'aide puisqu'ils se retrouvaient tous les deux dans la terre pure, un plan réservé aux anagamis et aux arhats. Sayado voudrait faire comprendre aux méditants ici présents qu'ils ne doivent pas être découragés s'ils ne réalisent pas le noble Dhamma, car ces cinq moines n'avait pas non plus réussi à réaliser le noble dhamma à cause de circonstances. Il cite l'exemple de ce jeune Samanera qui avait atteint l'état d'arhat à l'âge de 7 ans, alors que du temps du Bouddha Kassapa, il n'avait pas réussi à expérimenter le noble dhamma. Vous voyez donc que cela n'a pas beaucoup d'importance, que vous pouvez vous aussi, par la pratique de Vipassana et par les efforts que vous fournissez, créer des énergies positives, du bon karma, qui va certainement vous permettre à l'avenir de réaliser le noble dhamma. Ceci termine l'enseignement d'aujourd'hui. Nous poursuivrons cet enseignement à la prochaine session. Sayado demande donc à tous les méditants ici présents dans la salle de ne pas être découragés s'ils ont l'impression de ne pas progresser. Ils doivent poursuivre leur effort et savoir que par le simple fait de faire l'effort de méditer, ils développent leur parami. Poursuivez votre effort, continuez à méditer et ne vous inquiétez pas si vous n'obtenez pas les résultats que vous avez espérés. Car par votre effort, vous développez vos perfections, vos paramis, ce qui va vous permettre dans le futur de réaliser la libération totale, l'état d'arhat, exactement comme ce jeune Samanera qui n'avait pas réalisé le dhamma du temps du Bouddha Kassapa, mais qui a pu réaliser cet état d'arhat très rapidement à l'âge de 7 ans grâce aux efforts qu'il avait fournis dans le passé et au développement de ses paramis qui en était la conséquence. Ago dibogo le dia athoklo no dibwa ma lo lo gu gu ne chou sa sa athok khe ja lo tu lo dia du ri ha la ya twa ja da be lo ai lo mi mi lo le ba khan de yin ho di ya pai twa ma le dia ya twa nai ne lo in ri yong ja twa lo အာထုတ်လို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ချိန်မှလည်းပဲတရားရဖို့အကောင်းနဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်သွားမယ်လို့ဒါကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့ So Siaro asks all the meditators to try hard. You need not discourage because practicing can support you to accumulate the perfections.Even if you don't accomplish any special dhamma, you can still hope to become an arahant. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.